Je sais de mon cœur, ce n'est pas moi. Je sais de mon cœur, ce n'est pas moi. Thank you.